23.3. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les passages suivants et répondez aux questions. 1. J'ai téléphoné au Courtois tout à l'heure. D'abord, je suis tombé sur une dame avec un accent bizarre que je ne comprenais pas très bien. Sur qui Robert est-il tombé la première fois qu'il a appelé les Courtois? Sur une dame avec un accent bizarre. Il est tombé sur une dame avec un accent bizarre. 2. C'était peut-être Conception, Narbonne. Elle est portugaise. Qui était cette dame? Conception. La bonne des Courtois. 3. J'ai retéléphoné un peu plus tard. Cette fois, j'ai eu Madame Courtois. J'ai eu aussi du mal à la comprendre. Ouh là là, qu'elle parle vite. Pourquoi Robert a-t-il eu du mal à comprendre Madame Courtois au téléphone? Parce qu'elle parle vite. 4. Monsieur Courtois est absent, il est en voyage. Minus ne va pas bien du tout. Alors ils ne peuvent pas me voir avant après-demain. Pourquoi les Courtois ne peuvent-ils pas voir Robert aujourd'hui ou demain? Parce que M. Courtois est absent, il est en voyage, et que Minouche ne va pas bien du tout.